Il est des mystères aux allures d'évidence qui, dans l'histoire des sciences, font figure de cas d'école. L'éther est de cela. De la quintessence d'Aristote à l'énergie sombre du XXIe siècle, l'éther a été et demeure une sorte de fantôme de la physique. Si le XIXe siècle a été le grand siècle de l'éther et de sa mise à l'épreuve expérimentale, la fin de partie semble avoir été sifflée au tournant du XXe siècle avant que la théorie de la relativité restreinte, puis générale, ne semble conclure l'affaire. Mais cette mise à l'écart est-elle définitive? Et le mystère de l'éther ne continue-t-il pas d'exister avec des interrogations aussi vastes que celles qui entourent l'énergie sombre? Éther en vue, c'est le sujet que nous allons mettre en lumière dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour partir à la rencontre de cet éther qui a aiguisé la curiosité des physiciens, nous avons le plaisir d'être en ligne aujourd'hui avec Jean-Pierre Luminet. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes astrophysicien, directeur de recherche CNRS. Vous avez reçu il y a peu, félicitations, le prix UNESCO Kalinga qui récompense vos talents de vulgarisateur. Et vous venez de faire paraître votre livre « Du piano aux étoiles, une autobiographie musicale » aux éditions du Passeur. Nous sommes également en compagnie de Nicolas Niaud. Bonjour. Bonjour Antoine. Vous êtes professeur de physique chimie au lycée polyvalent de Cachan et docteur en histoire des sciences. Mais avant d'entamer cette plongée dans l'éther, il est l'heure de retrouver celle qui nous apporte chaque jour la lumière de l'actualité scientifique. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue hier dans la revue Nature. L'orbite fluctuante de notre planète aurait une influence sur l'évolution biologique. Oui, l'orbite de la Terre est variable. Tous les 400 000 ans, elle s'étire et devient plus elliptique. On sait que cette excentricité orbitale influence les cycles climatiques, mais ses effets sur la vie sur Terre sont mal connus. Une équipe française a étudié les variations de taille et de forme de fossiles de plancton au cours du temps. Aujourd'hui, les planctons jouent un rôle majeur pour le climat et pour la chimie des océans. Et certains d'entre eux, comme les coccolithophores, ont la particularité de former de petites plaques en calcaire, des coccolithes, qui se sédimentent au fond des océans, et qui nous renseignent sur l'évolution de ces espèces sur des millions et des millions d'années. Ces chercheurs ont donc analysé des carottes sédimentaires et leurs 9 millions de coccolithes. Grâce à une intelligence artificielle, ils ont découvert que l'explosion évolutive de nouvelles espèces avait lieu de manière cyclique, avec des cycles de 400 000 ans, soit le rythme de l'excentricité de l'orbite terrestre. Clara Bolton est chercheuse CNRS au laboratoire CEREG à Aix-Marseille. Elle est la co-autrice de cette étude. C'était assez surprenant, oui, parce que on sait par rapport aux recherches antérieures que les changements d'espèces de plancton et d'autres organismes suivent souvent les cycles glaciaires ou interglaciaires ou les cycles climatiques globaux sur la planète. Par contre, l'excentricité, elle exerce qu'un changement très faible en termes de luminosité reçue sur Terre. Et donc, elle est en général pas pensée assez forte pour être responsable pour ce genre de changement. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en faisant de la modélisation, on a aussi regardé l'impact du changement de la forme de l'orbite de la Terre autour du Soleil, qui peut être plus ou moins circulaire, au final, ce qu'on appelle plus ou moins excentrique. Et on a vu que ces changements d'excentricité pouvaient vraiment changer le contrat saisonnier dans les zones tropicaux. Donc, par exemple, lorsque l'orbite est presque circulaire comme actuellement, donc on dit qu'il y a une faible excentricité de l'orbite, la zone équatoriale présente des saisons qui sont peu marquées. Et on a vu dans les échantillons que des espèces peu spécialisées dominent alors tous les échantillons, à tous les différents sites, peu importe le contexte local. Par contre, quand l'excentricité était élevée, des saisons plus marquées apparaissent à l'équateur et on voyait dans les échantillons plus de diversité de différentes espèces de coccolithes. Et l'hypothèse qu'on a fait était que pendant une forte saisonnalité à forte excentricité, il y avait une augmentation de types de différents environnements qui étaient présents dans les océans tropicaux auxquels ces algues pouvaient s'adapter. Et du coup, une population plus diverse. L'idée importante qu'on voulait faire passer, c'est que peut-être dans des périodes chaudes anciennes, en absence de gros volumes de glace sur Terre, l'évolution biologique des microalgues aurait pu donner le tempo des climats. Et que dans les enregistrements du climat très anciens de période chaude, on voit des cycles de 400 000 ans. Et jusqu'ici, l'explication pour ces cycles de 400 000 ans est restée relativement mystérieuse. Et ce qu'on propose dans ce papier, c'est que l'évolution des coccolithophores a pu contribuer à créer ce cycle de 400 000 ans dans les registres du cycle de carbone océanique. Vous pouvez retrouver comme chaque jour cette étude et les suivantes sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc. Vous pouvez par ailleurs réécouter ce journal ainsi que toute l'émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et on passe au bref. Un nouveau traitement pour certains patients séropositifs sera prochainement disponible en France. Oui, un traitement pour alléger le quotidien des patients et pour ne plus prendre des médicaments tous les jours. Il s'agit d'une bithérapie injectable tous les deux mois avec deux antirétroviraux, une injection de cabotegravir et une injection de rilpivirine. Des essais cliniques ont montré que pour contrôler la charge virale des patients, cela fonctionnait aussi bien que la prise quotidienne de comprimés. Alors tous les patients ne sont pas éligibles, il faut être sous traitement depuis un certain temps. Cette bithérapie a été autorisée par l'Union européenne et l'assurance maladie devrait arbitrer dans les prochaines semaines sur sa prescription et sur son remboursement à 100%. En bref toujours, une étude parue dans la revue Nature décrit le premier avion à propulsion à semi-conducteur. Oui, comme dans Star Trek. Selon les chercheurs du MIT, l'avenir de l'aviation n'est plus dans les hélices ni dans les turbines, alimentées par des carburants et des énergies fossiles. L'aviation de demain repose sur l'électro-aérodynamique. Les chercheurs ont fait voler un petit prototype de 5 mètres, aussi lourd qu'un chihuahua, avec un système de propulsion à semi-conducteur dans laquelle les forces électriques accélèrent les ions pour produire un vent ionique qui donne à l'avion une propulsion. Ce dispositif silencieux et sous batterie est une preuve de concept. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Scientific Reports, nous avons découvert la plus ancienne trace de savate. Difficile de retrouver les traces de l'origine des vêtements ou des chaussures dans les archives archéologiques du Paléolithique. Des chercheurs du CNRS ont découvert dans la grotte de Cussac des empreintes de pas conservées dans les sédiments de la grotte. 3 pieds gauche et 4 pieds droits. Des empreintes vieilles de 30 000 ans et qui ne peuvent être que des traces de pieds chaussés. Différentes expériences ont montré que si les pieds avaient été nus, la trace des orteils et de la voûte plantaire serait plus marquée et l'empreinte serait plus profonde. Les habitants de Cussac portaient très probablement des chaussures lorsqu'ils se déplaçaient dans leur grotte. Si cette grotte de Cussac vous intéresse, on y consacrait il y a peu une émission. On va vous renvoyer vers cette émission sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup, en tout cas, Natacha. Et on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences et même le Journal des Sciences de la semaine. Nous allons retracer ensemble tout au long de cette heure l'histoire d'un mystère épais de la physique, celui de l'éther. Mais avant de démarrer cette discussion avec vous, Jean-Pierre Luminet et Nicolas Gnau, je vous propose d'entendre une archive. On y entend l'ingénieur, le chercheur, le théoricien, le compositeur Pierre Schaeffer. C'était en 1956. Vous savez que les ondes hertziennes ne se propagent pas dans l'air, mais dans une chose qu'on appelle éther. Ce n'est pas l'éther des pharmaciens, mais c'est un milieu assez indéfinissable, puisque les physiciens prétendent qu'il a une rigidité plus forte que celle de l'acier. Et on ne sait d'ailleurs pas si ce milieu existe vraiment. C'est peut-être une simple hypothèse scientifique. D'ailleurs, elle doit être dépassée depuis le temps où j'ai fait mes études. Et on parlait de l'éther, comme ce milieu élastique qui transmettait les vibrations lumineuses. Et tout cela se trouvait quand même dans l'air, dans ce que nous appelons l'air en tant qu'élément. Comme vous me proposez comme sujet l'air, j'ai essayé de dépasser votre pensée, de dire que derrière l'air, dans ce milieu impalpable et qu'on sent quand même par le vent et par le souffle, un milieu plus subtil encore était ce milieu de l'éther qui nous est cher, puisque c'est lui qui transmet nos ondes hertziennes, nos signaux radioélectriques. Et à ce propos, je voulais attirer votre pensée sur le fait que cet éther répond à une très vieille envie de magie de l'être humain qui a toujours rêvé de passer à travers les murailles. Mmh. Marcel Aimé nous a raconté une histoire qui nous a bien amusés, où un personnage passait à travers les murs. Mais nous ne réfléchissons pas assez au fait que nous-mêmes, nous sommes un mur qui est constamment traversé. Nous sommes traversés par des rayons, par des corpuscules. Mmh. Et nous sommes nous-mêmes ce milieu transparent. Nous avons l'air cohérent, mais nous sommes vus par un être infiniment petit, comme un amas de corpuscules infiniment éloignés les uns des autres. Voilà, un petit clin d'œil pour vous, Jean-Pierre Luminet, puisque le nom de Pierre Schaeffer revient à deux reprises, je crois, dans votre livre Du piano aux étoiles. Est-ce que c'est si curieux que ça d'entendre un ingénieur, un compositeur, celui qui a inventé la musique concrète avec Pierre-Henri, parler de l'éther ? Ben, je suis d'abord très, très heureux d'avoir découvert par cette archive sonore les commentaires de Pierre Schaeffer, que je mentionne effectivement dans l'un des chapitres de mon livre sur la musique. Je dirais qu'en fait, cette notion d'éther a fasciné d'autres compositeurs. Par exemple, le dernier chapitre de mon livre est consacré à Franz Liszt, et dans des textes remarquables de Franz Liszt, Liszt, en plus vivant à une époque où triomphe l'éther luminifère dont on parlera tout à l'heure, il fait régulièrement allusion à cette forme d'air le plus subtil possible dans lequel se passent peut-être les idéaux de la musique. J'ai également récemment collaboré avec une compositrice contemporaine qui s'appelle Thérèse Brunet, qui mentionne également plusieurs fois dans les commentaires de ses œuvres le rôle fondamental qu'elle pense jouer dans son inspiration sur cet éther qui reste encore évidemment bien mystérieux et que nous allons justement essayer de déchiffrer aujourd'hui, sans endormir, j'espère, nos auditeurs. on va tout faire pour. Nicolas Agneau, est-ce que vous, ça vous étonne d'entendre un artiste, un compositeur parler de l'éther de cette façon, avec toutes les imprécisions, bien sûr, que ça comporte? Alors, ce qui m'étonne le plus, ce n'est pas qu'il en parle, c'est surtout la date. On est au milieu du XXe siècle, et on a quand même quelqu'un qui va parler de l'éther comme lieu de propagation, il le dit, des ondes hertziennes. Alors c'est vrai qu'à un moment, ça l'a été, mais quand on est en 1950, ça fait bien longtemps, comme on va le voir, que l'éther n'est plus le milieu de propagation des ondes hertziennes. Peut-être que ça fait référence au moment de sa formation en physique, quand il était plus jeune, et que là, il fait référence à ses jeunes années. Je pense que c'est surtout ça. Ouais. Jean-Pierre Luminet, on va retracer l'histoire de ce mystère très épais, je le disais, de l'éther. On va remonter à la source, si vous le voulez bien, aux origines de ce concept dans l'Antiquité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette conception primitive, primordiale de l'éther qui était celle des Grecs? Oui, c'est une bien longue histoire qui commence, en tout cas dans la mémoire de l'humanité, chez Homère et chez Hésiode. Donc on est au 8e, 9e siècle avant notre ère. Et l'éther, à cette époque, désigne d'abord un dieu, qui est l'un des dieux primordiaux, et qui personnifie, disons, les parties supérieures du ciel. Et évidemment, après, en langage davantage poétique, les parties supérieures du ciel sont associées à l'idée de la pureté, de la pureté céleste. Donc voilà, c'est l'apparition de cet éther. Et puis, après, le concept va énormément évoluer à une époque où on va considérer que naît finalement la philosophie naturelle, ce qu'on appelle aujourd'hui la science, dans la Grèce antique, à partir, disons, de l'école pythagoricienne, de l'école milésienne, et puis de Platon, bien entendu. Donc on est cette fois-ci 6e, 5e siècle avant notre ère. Et cette fois-ci, on commence à réfléchir sur le fait que l'univers puisse être un cosmos, c'est-à-dire quelque chose d'esthétiquement organisé, avec des éléments particuliers constitutifs. On a par exemple Empédocle qui propose les quatre éléments habituels, la terre, l'eau, l'air et le feu. Et visiblement, il manque peut-être quelque chose d'encore plus subtil que l'air et plus subtil que le feu. Ce serait peut-être une matière dont seraient composés les astres et le ciel, précisément le ciel lointain. Et c'est là que l'éther, au sens cosmologique du mot, fait son apparition. Et devient cette quintessence, ce cinquième élément défini par Aristote. Oui, c'est d'abord Platon qui commence à en parler. D'ailleurs, l'une des étymologies acceptées du mot éther, c'est quelque chose qui court toujours. Et quand on regarde effectivement les astres lointains, les étoiles, qu'on appelle les étoiles fixes, mais elles tournent autour de la Terre. À cette époque, on ignore évidemment que c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Donc, il y a un mouvement perpétuel des astres, mais qui reste immuable. Donc, Platon appelle donc éther ce qui court toujours, pour personnifier finalement le milieu dans lequel vont baigner les astres. Et c'est Aristote qui va reprendre et développer cette idée en rajoutant finalement un cinquième élément, qu'il va appeler donc la cinquième essence, donc la fameuse quintessence, l'élément dont le plus subtil de tous, et l'élément qui constituerait les régions les plus supérieures du ciel. Évidemment, à l'époque, on ignore réellement la structure du monde, mais c'est une structure très verticale qui commence vers le bas, avec la terre, puis au-dessus il y a l'eau, ensuite il y a l'air, puis au-dessus il y a le feu, donc on va toujours vers de plus en plus subtil, et puis finalement il y a l'élément encore plus subtil que le feu, qui serait que cet éther tout à fait immatériel qui serait le royaume des astres, peut-être d'ailleurs le royaume des dieux. Alors ça, les dieux, c'est plutôt chez Platon, c'est pas chez Aristote. Nicolas Niaud, et c'est pas si étonnant que ça finalement dans l'Antiquité de trouver cet éther à la frontière entre physique et métaphysique, c'est assez courant. Oui, tout à fait, parce que finalement, hein, comme on le disait, il y a une nécessité de déifier l'univers, puis le cosmos. Donc, finalement, que l'éther vienne d'un dieu, on a besoin d'avoir quelque chose de concret. Après, c'est avec Aristote, on va vraiment avoir le début d'une physique, c'est-à-dire qu'on a déjà évoqué la séparation entre ce qu'on appelle le monde sublunaire, on va dire sur Terre, et le monde supralunaire. Et c'est vrai qu'on a parlé des quatre éléments, donc le feu, l'eau, la terre et l'air, qui sont les éléments naturels, on va dire mortels, qu'on voit sur Terre. À l'inverse, l'éther, c'est le cinquième élément, celui qui occupe un monde inaccessible. Et Aristote va aller un petit peu plus loin, on a parlé de cette propriété de l'éther, cette idée de toujours en mouvement. Aristote, il dote ces éléments d'un sens physique, c'est-à-dire que les éléments qui sont sur Terre, leur mouvement naturel, c'est d'aller droit. L'eau et la terre tombent en ligne droite, le feu et l'air s'élèvent en ligne droite, mais c'est le mouvement naturel sur Terre, ligne droite. Tandis que dans le monde supralunaire, le mouvement immuable, c'est celui des planètes, celui des dieux, c'est le mouvement circulaire, les planètes tournent parce qu'ils sont constitués d'éther, et c'est leur nature de tourner ainsi. Et alors sur l'éther, justement, on fera une différence un petit peu plus tard, et c'est vrai que l'éther dans le monde supralunaire, c'est à la fois le producteur et à la fois le convecteur de la lumière. Et on va voir que cet éther tourbillonnant a eu la peau dure. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. Jean-Pierre Luminet, je disais à l'instant que l'éther tourbillonnant a eu la peau dure pendant très très longtemps, puisque de l'Antiquité jusqu'au XVIIe siècle, pour le dire vite, l'éther a été quelque chose d'admis, mais qui n'a finalement pas trop évolué dans sa conception et dans sa pensée mathématique, physique, scientifique. Oui, alors avant de parler effectivement de ce grand changement qui commence au XVIIe siècle, notamment avec Descartes, où on va faire jouer à l'éther un rôle beaucoup plus actif. Je voudrais rappeler, en tant que moi-même fasciné par la géométrie, que les éléments dont on vient de parler, en rajoutant donc ce cinquième élément, cet hypothétique éther, avaient été géométrisés à l'époque de Platon par ce qu'on appelle justement les cinq solides platoniciens, qui sont les seuls qu'on appelle les polyèdres convexes réguliers. Il n'y en a que cinq, et ça correspondait justement aux cinq éléments. Et la modélisation précisément géométrique de ce mystérieux éther, c'était cette forme admirable que l'on appelle le dodécaèdre, qui m'est particulièrement cher, puisqu'il m'est arrivé de le réutiliser sous des formes beaucoup plus complexes, plus récemment, dans certains modèles de la cosmologie. Voilà, ça c'était un petit détour pour la géométrie. Mais c'est vrai que cette notion classique d'éther n'a pas évolué jusqu'à Descartes, disons. Descartes, on commence maintenant à s'interroger à cette époque, d'abord sur les phénomènes de la gravitation, qu'est-ce que c'est que la gravitation, la pesanteur, ce genre de choses, et puis également la lumière. Alors avec Descartes, on commence par la gravitation, c'est-à-dire Descartes propose une théorie pour expliquer le mouvement des planètes. Descartes est copernicien, sans oser l'écrire explicitement par crainte des fours d'église, mais il est copernicien, donc il sait que donc les planètes tournent autour d'objets centraux qui sont des soleils, et il imagine avant Newton, il imagine autre chose que justement une force d'attraction. Il imagine des tourbillons, ce qu'il appelle des tourbillons d'éther, c'est-à-dire que cette matière finalement qui constituerait les astres n'est pas une matière passive et immobile, mais serait affectée de tourbillons. Donc au centre du tourbillon, il y aurait les soleils, et puis entraînés dans ce tourbillon seraient les planètes et les comètes. Alors on sait que cette conception va être totalement démolie par Newton, puisqu'il proposera le concept d'attraction universelle. Mais avec Newton, on se repose malgré tout la question d'un éther dans lequel se propagerait quoi ? Ben, se propagerait cette interaction gravitationnelle qui lui posait problème à Newton, parce que l'attraction universelle de Newton, c'est une interaction à distance qui est instantanée. Donc elle doit se propager instantanément dans quelque chose. Et dans une célèbre lettre à un de ses correspondants qui s'appelait Bentley, Newton fait l'hypothèse finalement que cette propagation instantanée se passe dans une sorte d'éther, mais cet éther pour lui serait en quelque sorte le médium dans lequel Dieu s'exprime, par lequel Dieu s'exprime. Situe le monde. On en revient à cette dualité physique-métaphysique qui n'existe pas vraiment encore au XVIIe siècle, et puis au fait que voilà, Newton, lui, étant un petit peu récalcitrant à donner chair, comme l'a fait Descartes, à l'éther, va décider d'en faire plutôt un support des ondes lumineuses, et en ça, finalement, annonce un petit peu les prémices de l'éther luminifère qui auront cours au XIXe siècle. Qu'est-ce que ça nous dit, Nicolas Niaud, cette conception de l'éther, de la conception de la lumière, puisque les deux sont indissociables? Qu'est-ce que ça nous dit de la conception de la lumière au moment de Newton ? Alors, déjà, ça nous dit que finalement, entre Descartes et Aristote, alors certes, il y a eu Copernic, donc il y a eu quand même un changement de la vision du cosmos. Mais finalement, chez Descartes, on a trois éléments. Le premier étant arrivé, étant ce qu'il appelle lui son deuxième élément, des tourbillons d'éther. On a un ordre du monde, on a changé de place, mais toujours mu un petit peu par un mouvement naturel. Et à ce niveau-là, on n'a pas tellement changé. On a des éléments initiaux, c'est en nature de continuer de tourner. Pour reprendre ce qu'on a dit sur Newton, certes, on a retenu de lui quand même la formule de la gravitation universelle, mais Newton lui-même, pour la gravitation, va introduire un éther. Le monde serait d'après lui, bon, c'est l'une des explications qu'il donne, hein, mais il la met de côté un peu plus tard. Le monde est constitué de billes, empli de billes, qui ne vont pas s'attirer, mais au contraire se repousser. Et c'est parce que à l'extérieur des planètes, on va dire à l'extérieur de l'orbite, il y a un surplus de billes par rapport à l'intérieur, que les planètes sont en fait attirées par le Soleil. À ce moment-là, on a également d'autres scientifiques, notamment Christian Huygens, qui va lui commencer à développer une vision, on va dire, ondulatoire, entre grosses guillemets, de la lumière, selon laquelle la lumière serait une sorte d'onde, un petit peu comme une vague unitaire, voilà, un petit peu comme un masse carré qui remonterait un fleuve. On n'a pas encore une vision de vague régulière. Là, c'est plutôt un petit peu comme une onde de choc. Mais on a cette idée-là, et Newton va avoir une vision d'un milieu pour la gravitation. Parallèlement, va introduire également un éther pour l'optique. Il va donner une idée. Alors lui, il est plutôt partisan d'une vision particulière de la lumière, hein, c'est ce qu'il écrit en 1715 dans son ouvrage Optics, mais dans les rééditions, dans ce qui s'appelle les questions, les queries, à la fin de ces éditions, au fur des rééditions, on voit apparaître des questionnements sur ce qu'est le milieu de propagation. Chez Newton, il y a un éther, il ne faut pas l'oublier, c'est ses successeurs qui vont peu à peu déshabiller la théorie Newton de l'éther, pour ne retenir que le principal, c'est-à-dire une gravitation universelle à distance qui va faire école pendant tout le XVIIIe siècle. Alors on va peut-être aller vite sur ce XVIIIe siècle, puisque le temps nous est compté, et le vrai siècle de l'éther, en tout cas de sa mise à l'épreuve expérimentale, est le XIXe siècle. Jean-Pierre Luminet, ce qu'on peut retenir, c'est que jusqu'au début du XIXe siècle, la dualité onde-corpuscule de la lumière n'est pas établie. On va commencer peut-être ce XIXe siècle, dès le début du XIXe siècle, avec 1801 et un certain Thomas Young, qui lui va mettre au point un dispositif expérimental qui va porter sur la lumière et qui va inclure l'éther. Expliquez-nous un petit peu ce qu'ont apporté ces fentes de Young sur l'éther et sur la compréhension de cet éther et de la nature de la lumière. Oui, certes. Cela dit, avant Young, on peut quand même pas faire l'impasse sur les travaux du XVIIIe siècle, essentiellement de Euler et de Fresnel, qui réellement, après Huygens, développe largement cette idée et commence à décrire vraiment la lumière comme une propagation vibratoire et périodique d'une perturbation de l'éther, qui serait donc cette substance. Fresnel, c'est un peu plus tard. Fresnel, c'est les années 1830, pour le coup. Qui remplit tout l'espace. Oui. Effectivement, l'air, c'est du 18e siècle. Bien. Donc, alors après, il y a effectivement pendant toute cette époque, règne l'idée de la nature purement ondulatoire de la lumière, jusqu'à effectivement cette fameuse expérience des fentes de Young, qui en montre un aspect troublant, c'est-à-dire selon les conditions expérimentales, on observe également un aspect corpusculaire, et comme on le sait, comme on aura l'occasion de le dire très bientôt, ces deux aspects ne seront réconciliés que bien plus tard, au 20e siècle, dans ce qu'on appelle la physique quantique. Mais évidemment, avant de parler de la relativité de la physique quantique, qui vont finalement, la relativité va commencer plutôt à avoir tendance à éliminer cet éther luminifère, et la physique quantique va lui donner une sorte de résurrection dont on parlera plus tard, on peut évidemment ne pas mentionner la théorie du champ électromagnétique qui est élaborée. Et on va en parler bien évidemment tout de suite avec vous, Nicolas Niaud, puisque ça a été un des éléments importants de la thèse que vous avez consacrée justement à ce 19e siècle, et notamment en partie à l'éther. Parlons un petit peu de cette expérience des fentes de Young qui mettent en évidence l'aspect ondulatoire de la lumière, puis ensuite l'électromagnétisme de Maxwell qui va un petit peu réunir ce litige ancien de la nature, la lumière est-elle une onde, est-elle un corpuscule. Expliquez-nous en tout cas cette expérience de Young. Alors l'expérience de Young, c'est pas forcément un physicien, il est un petit peu touche-à-tout, principalement un médecin. L'expérience est finalement assez simple. On prend une source lumineuse, vous prenez une plaque avec deux trous ou deux fentes assez proches l'une de l'autre et des fentes pas trop larges. Et derrière, vous mettez un écran. Si vous considérez que la lumière est constituée de particules, comme vous avez deux fentes, sur l'écran, vous allez obtenir deux taches lumineuses. Problème, Young n'obtient pas ça. Il obtient au contraire des franges lumineuses, des interférences. Et ça, cette explication-là, avec la vision particulière de la lumière, on ne peut pas l'avoir. Alors, l'expérience de Young va passer un petit peu dans l'ombre, j'ai envie de dire, parce qu'en plus, il l'a fait en Grande-Bretagne, donc quand même la patrie de Newton, jusqu'en 1814-1815, où c'est Fresnel, donc Fresnel, polytechnicien, mathématicien brillant, passé par l'école polytechnique, qui travaille à l'Observatoire de Paris sous la direction de François Arago, qui commence à faire des expériences sur la lumière. Observatoire de Paris, parce que ça permet d'observer les étoiles. Il démonte un à un les différents arguments en faveur de la théorie particulière, notamment ce qu'on appelait les aberrations stellaires. Il construit véritablement toute une théorie ondulatoire avec les mathématiques qui vont derrière. Il introduit des outils, ce qu'on appelle en fait maintenant les intégrales de Fresnel. Il explique les phénomènes de diffraction, d'interférence. On introduit maintenant ce qu'on appelle le principe de Huygens-Fresnel, mais il faut bien voir que Huygens et Fresnel, il y a 200 ans qui les séparent. Donc Fresnel va vraiment doter la théorie ondulatoire de la lumière d'une mathématique qui est derrière. Et à partir de ce moment-là, c'est la théorie ondulatoire qui va gagner. On va chercher maintenant à l'expliquer, parce que à l'époque, le 18e siècle est passé par là, les vagues se propagent dans l'eau, le son se propage dans l'air. Si la lumière est une onde, il y a un milieu. Il nous faut un milieu, c'est l'éther. Et maintenant, la condition, c'est trouver de quoi est constitué ce milieu. On sait que la lumière est une onde qu'on appelle transverse, donc comme des vagues. Elle se propage dans un sens, mais la déformation se fait perpendiculairement. On essaie de trouver des milieux. On a des gens comme Louis Cauchy, Poisson, tous les mathématiciens, physiciens français du début du 19e siècle. La grande école des physiciens français. La grande école des Laplaciens, polytechniciens, etc., qui vont essayer de trouver des conditions sur les terres pour expliquer le mouvement. Et donc, on a cette vision ondulatoire d'un milieu luminifère. Un milieu qui est à la fois élastique et solide, ce qui est assez délicat peut-être à décrire. En fait, à ce moment-là, le gros problème, c'est qu'on sait que la lumière est une onde transverse, puisqu'on a des expériences d'Étienne Malus sur la polarisation. Le problème, c'est que pour propager une onde transverse, il faut un solide. En physique, on ne peut pas se propager une onde transverse dans un fluide, donc il faut un solide. En plus, on sait que ce sont des oscillations extrêmement rapides, donc il faut un solide très résistant. Tout à l'heure, on a entendu dans le petit extrait en tout début d'émission, un solide plus résistant que l'acier, effectivement, il faut un solide extrêmement dur. Oui, mais l'éther, puisqu'on voit la lumière du soleil, il y en a partout dans l'univers. Donc la Terre serait capable de se propager dense, solide, extrêmement... Sans être ralenti. Sans être ralenti. Donc on commence à introduire différents mécanismes. Surtout cette première moitié du 19e siècle, c'est quand même la théorie ondulatoire qui domine, un éther luminifère. Et puis arrive, puisqu'il faut malheureusement qu'on avance, cet autre grand nom de la conception au 19e siècle de l'éther, mais aussi un autre immense nom de la physique, c'est Maxwell. Comment est-ce que la théorie de l'électromagnétisme de Maxwell va permettre d'avancer et de réunir justement cette dualité ondulatoire corpusculaire propre à la lumière? Alors, Maxwell ne va pas tout de suite parler de dualité onde-corpuscule, hein, ce sera bien plus tard. En fait, Maxwell, lui, il arrive, il est britannique, il reprend les résultats de travaux de Michael Faraday, pour qui l'électricité ne pouvait pas être quelque chose qui se passait à distance. Maxwell va construire une théorie pour dire, voilà, les phénomènes électriques et magnétiques se propagent d'un point à un autre. Il va mettre en place un milieu mécanique de propagation. Et ce qui est très intéressant, c'est que la mécanique des milieux continus, les engrenages, etc., c'est déjà maîtrisé. Maxwell la connaît bien puisqu'il l'enseigne à ses élèves à Cambridge. Et du coup, il va dire, un phénomène électrique qui se propage, c'est comme une suite d'engrenages. Il fait un modèle, Maxwell est très friand d'utiliser les analogies entre la mécanique et l'électricité. Il met en place son modèle, il détermine par analogie des relations entre les grandeurs électriques et magnétiques, ce qui va donner naissance à ce qu'on appelle maintenant les équations de Maxwell, qui sont fondamentales pour l'électromagnétisme. Et assez vite, donc on est en 1861, Maxwell va dire, voilà, ma conclusion, c'est que le milieu qui propage les phénomènes électriques et magnétiques, c'est le milieu qui propage aussi la lumière. C'est très intéressant de souligner ça, parce qu'il ne dit pas tout de suite, la lumière est une onde électromagnétique, il dit vraiment, c'est le même milieu. C'est plus tard qu'il dira la lumière, c'est en fait un phénomène. Premier rapprochement, c'est sur ce milieu. Et l'éther, du coup, là-dedans, est ce milieu qui permet à l'électricité de se propager, de même que la lumière se propage. Non seulement il permet à la propager, mais en fait, il héberge tous les phénomènes électriques. Les équations de Maxwell, telles qu'on les enseigne aujourd'hui, on parle d'opérateurs mathématiques, on parle de charges électriques, on parle même de champ, c'est-à-dire une notion un petit peu dans l'espace, décrite par un vecteur, qu'on a un peu de mal à réaliser. Au moment où Maxwell fait ses équations, tout ça, ça n'existe pas. C'est Maxwell qui a introduit la notion de charge électrique, alors pas la même qu'actuellement, mais c'est lui qui l'introduit, de force électrique, de force magnétique, ce qu'on appelle en fait maintenant les champs. Et l'éther de Maxwell héberge tous les phénomènes électriques. Chez Maxwell et ses successeurs, la matière ne sert finalement qu'à modifier localement les propriétés de l'éther. Mais que ce soit la charge, donc ce qui crée la force électrique, ou sa propagation, tout se passe dans l'éther. L'éther de Maxwell, c'est vraiment ce qui crée les phénomènes électriques et ce qui les propage. On en arrive à présent au reportage du jour, puisque l'existence de l'éther sous-tend la question de l'utilisation d'un système de référence, comme on le disait tout à l'heure, tout mouvement étant relatif, comme par exemple la rotation de la Terre. Alors la nature du référentiel s'est donc posée dans le cas d'un objet très emblématique, le pendule de Foucault, et c'est le sujet du reportage du jour. Bonjour Alexandra Delbeau. Bonjour Antoine. Vous vous êtes rendu au musée des arts et métiers pour voir l'un de ces pendules. Oui, parce que Foucault pensait que si le plan d'oscillation du pendule est fixe par rapport à l'éther, la rotation de la Terre par rapport à ce même éther sera rendue visible par une rotation du plan d'oscillation du pendule. Donc ici, l'éther reste un repère théorique, mais en d'autres termes, cela signifie que l'on peut observer la rotation de la Terre. J'ai rencontré Laurent Vavasseur, médiateur dans ce musée, pour observer un des pendules de Foucault, un pendule de 18 mètres au cœur de l'église du musée, et le dispositif expérimental est simple. Un pendule lancé rectilignement et oscille, passant au-dessus d'une table sur laquelle sont posées de petites quilles en laiton. Petit à petit, et uniquement avec la rotation de la Terre, le plan d'oscillation va se modifier et finalement faire tomber les quilles. Je vous invite donc à écouter la Terre tourner. Donc là, nous sommes dans l'église du musée des arts et métiers. On peut admirer les peintures qui datent de 1850. Alors pour donner un peu l'idée du volume ici, la hauteur du pendule ici c'est 18 mètres. Voilà, le plafond est à 18 mètres au-dessus de la tête. Et donc au cœur de cette église oscille notre pendule de Foucault. Alors le dispositif est assez simple en fait, nous avons une table sur laquelle nous avons disposé des quilles. C'est des petits morceaux de fer. Ouais. Des petites quilles en laiton. En fait c'est ça qui va permettre de visualiser les mouvements apparents du pendule. Là on a lancé le pendule qui oscille. Qui oscille, donc Alors il oscille sur à peu près une amplitude de 2 mètres. Et comme il mesure 18 mètres de hauteur, il met 8 secondes pour faire un aller-retour. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au Panthéon, l'expérience est très impressionnante, puisque là-bas, vous avez 67 mètres de hauteur sous plafond, ce qui fait que du coup, sa période en fait est de 16 secondes. Donc en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit le pendule, entre autres, a été fait au Panthéon, pour la grande hauteur sous plafond, en fait, pour que ce soit plus grandiose, disons. Donc là, notre petit pendule qui oscille comme ça gentiment, et on entendra de temps en temps quelques quilles tomber. Donc là, ce qu'on observe, en fait, c'est que les quilles vont tomber les unes à la suite des autres, en fait, dans le sens horaire. Donc on a vraiment l'impression que le pendule, enfin son plan, mais donc à sa direction, se déplace dans le sens des aiguilles d'une montre. Et grâce à un petit modèle qu'on a juste à côté, en fait, que donc un tout petit pendule, mais qui est manipulable, ce qui n'est pas le cas du gros, en fait, en faisant bouger le support du pendule, tout pendant qu'il tourne en fait, hein. Enfin qu'il oscille. Donc on lance, si on lance le pendule, c'est ça. Oui. Donc on lance le petit modèle dans une direction qu'on décide en fait, et en fait en bougeant le support, l'axe, soit vers la droite, soit vers la gauche, on constate en fait que le pendule conserve toujours le même plan. Donc ce petit modèle-là fonctionne exactement comme le grand ici. Et donc ce qu'on observe ici, donc c'est un décalage dans le sens horaire du pendule, petit à petit, donc les quilles vont tomber les unes à la suite des autres. Mais en fait, ce qu'on a vu avant, c'est que le pendule conserve toujours la même direction. Donc c'est assez simple en fait. Apparemment, le pendule se déplace dans le sens horaire, mais on sait qu'il ne bouge pas. Donc en fait, si c'est pas lui qui bouge, c'est forcément autre chose. Donc c'est d'abord la table où sont posées les quilles, mais la table est surtout posée sur la terre. Donc en fait, ici, il n'y a qu'une seule chose qui ne bouge pas, c'est le pendule qui conserve toujours son plan, et c'est la terre en dessous qui tourne donc dans le sens inverse des aiguilles de montre. Donc c'est comme ça en fait que Foucault peut montrer pour la première fois de façon directe en fait, sans faire d'astronomie, sans d'autres références en fait, une preuve mécanique en fait de la rotation de la Terre. Et est-ce que justement c'est plus important à ce moment-là d'avoir des preuves mécaniques de fonctionnement par rapport au reste des expériences qui ont été montrées? Est-ce que c'était plus important qu'une simple théorie? Montrer que la Terre tourne n'est pas forcément une priorité en fait en soi, ça fait longtemps qu'on sait qu'elle tourne, mais on n'avait pas de preuve directe en fait. Et ce qui est assez génial avec Foucault, c'est l'idée d'utiliser le pendule. Parce qu'en fait, le pendule, en oscillant, va accumuler des toutes petites déviations. C'est ce qui rend les choses visibles, en fait. Parce que ce qui a été fait, par exemple, c'est de faire tomber des objets d'une très grande hauteur, qui donc doivent être déviés par la rotation de la Terre. Mais en fait, c'est pas très visible, parce que pour une hauteur d'à peu près 100 mètres, le décalage au sol, c'est de l'ordre du centimètre. Donc c'est pas forcément très visible. Mais alors que là, le pendule, en oscillant, en fait, accumule ces toutes petites déviations, ce qui rend visible, en fait, simplement la rotation de la Terre. C'est ça qui est assez génial. Et en fait, c'était pas une priorité scientifique d'avoir une preuve de la rotation de la Terre, mais ce qui est beau, c'est la preuve directe, en fait. Et d'ailleurs, c'est une expérience qui a un succès qui est très étonnant, parce que pour l'époque, à la fin, donc lui, il le fait en mars 1851 au Panthéon. À la fin de l'année sur Terre, il y a à peu près une centaine de pendules, rien que 25 aux États-Unis, pour reproduire l'expérience. Un autre qui est tombé. Voilà. Parce qu'en fait, elle a marqué son époque. Pas tant dans le fait de dire que la Terre tourne, mais la façon très esthétique et en fait très élégante de montrer cette fameuse rotation. Donc là, où est-ce qu'on en trouve, par exemple, en France? Il y en a un à Besançon, je crois. pas dire de bêtises. Il y en a un chez nous. Il y en a un peu partout, hein, il y en a en Allemagne aussi. Enfin, voilà, c'est une expérience qui est refaite un petit peu partout. Et ici, on bénéficie aussi d'un avantage sur le pendule historique du Panthéon, qui n'était pas entretenu, ce qui fait qu'il s'amortissait très rapidement. En fait, il y a un système d'entretien qui a été inventé par Foucault, hein, alors qu'on a amélioré parce qu'il n'avait pas les connaissances qu'on a maintenant, hein, clairement. Mais en fait, parce que le problème, c'était ça, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, en fait, au Panthéon, il s'amortissait quand même très rapidement. Donc voilà, c'était beaucoup moins probant. Et donc, en fait, pour l'Expo universelle de Paris 1855, il a mis au point un système d'électroaimant. Donc on a amélioré, mais on a conservé l'esprit. Hein. C'est où, du coup, oui. Donc en fait, dans le socle qui supporte la table, en fait, on a un électroaimant. Et à la base de l'aimant, du pendule, c'est un aimant. Donc en fait, à chaque fois que le pendule rentre dans le champ magnétique, en fait, on l'accélère, on lui donne une petite impulsion, ce qui suffit pour l'entretenir, en fait. Donc il ne s'arrête pas tant qu'il y a un champ magnétique, et il conserve aussi tout le temps la même amplitude. Il conserve exactement la même amplitude. Oui, oui. Il s'amortit pas, en fait. Alors il faut quand même juste dire qu'à l'époque, ce qui était très impressionnant, c'est aussi la rapidité de vision de l'expérience, parce qu'avec sa grande période et en fait une amplitude d'à peu près 6 mètres, en fait entre chaque aller-retour, lui, à la place de mettre des quilles, il mettait du sable. et à la place de l'électroaimant ici qui l'entretient, en fait à la place de l'aimant, lui il avait mis une pointe très fine, donc à chaque fois que le pendule passait au-dessus du sable, il laissait une trace dans ce fameux sable. Donc en fait sur une période, donc sur 16 secondes, on avait un décalage de 2 mm à peu près entre chaque petit trait dans le sable. Donc à l'époque, en 16 secondes, on voyait le terre tourner, ce qui était également très impressionnant. Voilà, vous ne pourrez plus jamais dire que vous n'avez pas entendu la Terre tourner. Une réaction, Jean-Pierre Luminet, à ce reportage au Musée des Arts et Métiers sur le pendule de Foucault? Oui, bah, expérience à la fois spectaculaire et capitale. Moi, j'ai eu la chance, effectivement, d'assister plusieurs fois à cette expérience-là. Et voilà, ça rend concrètement ce mouvement imperceptible pour nous, évidemment, de rotation terrestre, mais surtout capital, parce que même si on avait adopté depuis un ou deux siècles l'hypothèse de la rotation terrestre, hypothèse qui avait été reprise de l'Antiquité par Copernic d'abord, et puis après, s'y est affirmé par Galilée, l'expérience de Foucault donne raison à la fameuse phrase que Galilée aurait dite après son abjuration, et pourtant elle tourne. Eh bien oui, effectivement, on montre qu'elle tourne par la variation du plan d'oscillation. Alors après, la question c'est, elle tourne par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Mmh. Eh bien, on est encore dans le cadre de l'astronomie et de la cosmologie newtonienne, qui suppose l'existence en fait d'un espace absolu. Dans un espace absolu, on peut définir un référentiel, c'est-à-dire un système de coordonnées absolu, et qui va être par étant représenté. On peut définir par exemple des axes partant de la Terre qui sont orientés vers des étoiles lointaines, et tout ça nous donne un référentiel. On peut finalement dire que cet espace absolu, ben, c'est les Terres. Et donc voilà pourquoi Foucault pense avoir mis en évidence, dit avoir mis en évidence le mouvement de rotation de la Terre par rapport à l'éther. Et là, on est encore au 19e siècle. Je vous propose de rester avec nous. On va faire juste une petite, petite respiration musicale. Voilà, on a choisi un extrait, alors c'est l'ouverture de l'Orpheus de Franz Liszt, interprété par l'Orchestre d'État hongrois, dirigé par János Ferencsik. Jean-Pierre Luminet, c'est pas totalement un hasard si on a pris cette œuvre dont vous parlez dans votre livre du piano aux étoiles, parce que aussi bien Liszt que Wagner, ou encore même Van Gogh, ont été inspirés par l'éther, notamment cette œuvre-là, Orpheus. Expliquez-nous un petit peu pourquoi l'éther percole de façon aussi évidente avec le domaine artistique. Bah, sans doute par sa connotation à la fois, je dirais poétique, philosophique et métaphysique. Un compositeur comme Liszt était profondément imprégné de tous ces aspects-là de la pensée humaine, également Wagner. Et donc voilà, l'éther se retrouve effectivement dans les commentaires de très nombreux artistes du 19e siècle, pas seulement les musiciens, mais les écrivains. On va trouver d'innombrables références littéraires et poétiques tout au long du 19e siècle à ce fameux éther. Et puisqu'on parle de Liszt, et ça va nous permettre d'enchaîner dans l'histoire physique, les conceptions physiques sur l'éther, Liszt meurt en 1886 et 1886, c'est une date, l'une des dates clés également dans l'histoire de la physique, puisque deux physiciens américains qui s'appellent Michelson et Morley tentent de mettre enfin en évidence physique l'existence de ce fameux éther par une expérience. Et cette expérience consiste à mesurer la vitesse de la Terre par rapport à ce milieu hypothétique. Alors comment fait-on? En simplifiant, parce que l'expérience est assez complexe, on va faire propager un rayon lumineux, enfin deux rayons lumineux, l'un en direction du mouvement de la Terre et l'autre dans une direction perpendiculaire. Et comme on est dans la physique newtonienne, on pense qu'il y a des combinaisons et des additions variations et des compositions de vitesse. Et donc, il va y avoir des variations de la vitesse de la lumière selon qu'on est dans le sens de la vitesse de la Terre ou dans un autre sens. Et le résultat est totalement négatif. Nicolas Niaud, ce qui est intéressant dans cette expérience de Michelson-Morley, c'est que l'objectif initial de ces deux physiciens n'est pas du tout d'invalider l'éther. Au contraire, l'éther est encore un objet pour les physiciens tout à fait évident et indiscutable. Comment il se fait que ce dispositif expérimental-là que vous allez nous décrire permet de finalement commencer à invalider un tout petit peu cette théorie qui n'est pas discutable, on le rappelle, en cette fin du 19e siècle. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, donc là, on est dans les années 1880, l'éther, il est là. Il est présent. Il n'y a pas de théorie sans l'éther, c'est pas possible. Par contre, on a des théories concurrentes. On a des théories, comme la théorie de Fresnel, qu'on a déjà évoquée, selon laquelle l'éther, il est présent partout et finalement, les corps peuvent se déplacer à l'intérieur, sans l'entraîner avec elle. Si jamais un corps se déplace par rapport à elle, Michelson choisit d'utiliser l'objet qui va le plus vite dans le système solaire, c'est-à-dire la Terre elle-même, autour du Soleil. On va prendre une petite scène, et je pense que tout le monde va bien comprendre l'image. Imaginez dans le film Titanic, Jack et Rose qui sont sur le pont du bateau. Je les imagine très bien. On a mer d'huile, pas un souffle de vent. Mais comme le bateau avance, on va sentir un vent face à nous. Michelson se dit, si la Terre avance par rapport à l'éther sans entraîner, on va avoir ce vent d'éther. Ça, c'est le principe de base. Maintenant, on sait que ce déplacement va être très faible. On va donc utiliser une méthode hyper précise, et la chose la plus précise qu'on connaisse, c'est la lumière elle-même, puisque comme elle a des longueurs d'onde extrêmement petites, ça permet d'avoir des petits déplacements. On reprend le principe des interférences qu'on connaît depuis Thomas Young. L'idée est la suivante, une source lumineuse, grâce à une lame qu'on va dire semi-séparatrice, on va séparer un rayon lumineux en deux. Le premier rayon va dans une certaine direction, se reflète sur un miroir, revient. L'autre rayon va aller dans une direction perpendiculaire, se reflète sur un miroir et revient. Les deux se recombinent. Si jamais la distance est exactement la même, on n'observe rien. Maintenant, si on reprend l'image du bateau. Imaginez que Jack et Rose partent tous les deux du même point. On a Jack qui fait un aller-retour dans le sens avant-arrière. Donc il est soit face au vent, soit dos au vent. Rose, elle fait la même chose, mais sur le côté. Donc elle l'a de droite ou à gauche. Dans la théorie de Fresnel, dans la théorie de l'éther qu'on a, si jamais on a la lumière qui fait deux chemins comme ça, alors elle fait la même distance, mais comme elle est par rapport à l'éther, par rapport au vent d'éther, dans des directions différentes, le temps de propagation n'est pas le même. On aurait dû observer un résultat. Et en fait, l'expérience de Michelson, c'est souvent ce qu'on désigne comme la plus belle expérience négative de la physique. C'est-à-dire que Michelson n'observe rien. Il faut dire que Michelson, en 1881, il l'avait déjà tenté, son expérience. À Potsdam, en Allemagne. Mais la précision ne lui permettait pas de conclure. 1887, il met le paquet, il s'associe avec Edward Morley, un chimiste, il est aux États-Unis. Dispositif sur un bain de mercure pour isoler, pour pouvoir tourner l'interféromètre également. Par contre, là, c'est sans appel. La théorie selon laquelle on devait avoir un vent d'éther ne marche pas. Attention, ça ne veut pas dire que l'éther n'existe pas. Michelson conclut en disant, la théorie de Fresnel, selon laquelle on se déplace dans l'éther, et que l'éther est immobile, voilà. Mais c'est une autre théorie qui est valable. C'est-à-dire que, en fait, la Terre se déplace en entraînant l'éther avec elle, comme si le bateau se déplaçait dans une bulle. Si on se déplace dans une bulle et qu'on emmène l'air avec nous, on ne sent pas ce vent. Cette théorie-là, elle est due au physicien britannique George Stokes, qu'on retrouve en mécanique des fluides notamment, qui a notamment fait la formule de déplacement d'un objet dans un fluide visqueux. Donc, il s'y connaît là-dedans. Problème, la théorie de Stokes, mathématiquement, elle n'est pas viable. Donc, l'expérience de Michelson et Morley a permis de falsifier l'une des théories, celle de Fresnel. Elle donne raison à Stokes, mais Stokes a d'autres problèmes. À partir des années 1890, on va se dire, on va essayer de faire une nouvelle théorie de l'éther, et ça s'accélère. Le délitement de l'éther s'accélère considérablement à la toute fin du 19e siècle. Intervient un autre personnage clé pour l'éther, c'est Lorentz, le Hollandais Lorentz. Alors comment lui aussi va d'une certaine façon planter son clou dans le cercueil de l'éther? Oui, c'est ça. En fait, Lorentz, c'est celui qui va frapper le plus gros clou, j'ai envie de dire. Lorentz, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est néerlandais. ça veut dire aussi qu'il peut, il est polyglotte, il parle français, anglais, allemand, et donc il peut piquer un petit peu à droite à gauche. En plus, aux Pays-Bas, à ce moment-là, il y a un scientifique qui se nomme Van der Waals, qui a travaillé un petit peu sur la structure des gaz. Van der Waals, on retrouve son nom, les étudiants de licence le connaissent bien, on retrouve son nom dans la théorie des gaz. Et donc Lorentz se dit, je vais essayer de mêler la théorie de Maxwell avec une histoire de particules. On se souvient que chez Maxwell, on a dit que tous les phénomènes électriques sont liés à l'éther, y compris la charge électrique. Lorentz, lui, introduit une vraie rupture. Il va dire, la charge électrique, elle n'est pas dans l'éther, elle est sur la matière. J'introduis des particules élémentaires. Lorentz appelle ça des ions. Oui, il postule l'apparition de l'électron avant même de le nommer. Mais de on appelle ça plus tard des électrons. Mm-hmm. C'est Lorentz qui crée la première théorie de l'électron. Et en faisant ça, il enlève la charge électrique à l'éther. L'éther n'est plus qu'un référentiel dans lequel on écrit les équations de Maxwell. Mais en fait, finalement, à partir de 1892, si l'éther ne sert qu'à écrire les équations de Maxwell, c'est en fait uniquement un référentiel. On lui a enlevé toute sa matière. À partir de là, l'éther n'est plus matériel. L'éther est mort, vive l'éther, Jean-Pierre Luminet. Lorentz pose aussi d'une certaine façon des jalons importants pour établir la théorie de la relativité restreinte, puis de la relativité générale, surtout ensuite. En quoi est-ce que Poincaré avec Einstein pour la relativité restreinte vont eux aussi accélérer la perte de l'éther qui était jusqu'à présent une évidence? Oui, surtout Einstein avec la publication en 1905 de sa théorie de la relativité restreinte, où je crois que c'est le premier à dire et écrire explicitement que on n'a plus besoin absolument, on n'a plus du tout besoin en physique de cette notion d'éther. Pour Poincaré, c'est un petit peu différent. J'ai lu récemment dans La Science et l'Hypothèse que Poincaré, évidemment, s'interrogeant sur cette notion d'éther, avait dit on peut s'en passer, mais ce n'est pas une raison forcément de l'éliminer. Peut-être. J'ai la citation sous les yeux, si vous le souhaitez. Il dit dans La Science et l'Hypothèse, peu nous importe que l'éther existe réellement, c'est l'affaire des métaphysiciens. L'essentiel pour nous, c'est que tout se passe comme s'il existait et que cette hypothèse est commode pour l'explication des phénomènes. Point. Bon. Voilà. Le côté très pragmatique, mais aussi extrêmement lucide de Poincaré. Mais donc, c'est vrai qu'avec la publication des premiers articles d'Einstein sur la relativité restreinte, l'éther semble éliminé, évacué de la physique. Après, comme on le sait, Einstein introduit dans sa théorie de l'espace-temps, introduit le phénomène de gravitation et donc modifie considérablement la relativité pour la France. Ce qu'on appelle la relativité générale, puisque donc il définit cette fois-ci la gravitation comme une manifestation de la courbure de l'espace-temps, et du coup l'espace-temps retrouve quelque sorte une sorte de propriété éthérée d'élasticité, mais en tout cas une propriété d'élasticité, puisque finalement la forme même de l'espace-temps, au lieu d'être rigide comme elle l'était dans l'espace absolu de Newton ou comme elle l'était encore dans l'espace-temps dit de Minkowski, acquis une élasticité au gré de la distribution de la masse et de l'énergie qui est dans l'univers, ce qui fera finalement réfléchir Einstein un peu plus tard, alors après la publication en 1915 de la relativité générale et au gré de certaines une controverse assez violente d'ailleurs qu'il a avec des physiciens de son temps comme Lennart et quelques autres, de revenir peut-être sur cette notion d'éther, ce que se dire finalement que peut-être l'espace-temps courbe de la relativité générale, c'est une autre forme d'éther qui n'a évidemment plus rien à voir avec l'éther luminifère pré-relativiste, mais c'est peut-être une forme d'éther et lui-même donc va écrire plusieurs articles, enfin je ne sais plus, où il va reprendre cette question. Oui, voilà. Il y a même un article ou un discours qu'il prononce en 1920 qui s'appelle L'éther et la théorie de la relativité générale, où il dit dans ce discours texto, on peut admettre une existence de l'éther, mais il faut alors renoncer à lui attribuer un état de mouvement déterminé, c'est-à-dire qu'il faut le dépouiller par l'abstraction de son dernier caractère mécanique que Maxwell lui avait encore laissé. Oui, alors je ne sais pas si en 1920, il avait encore l'intuition que l'éther allait faire une spectaculaire résurrection, d'une certaine manière, parce qu'il y a aussi un petit peu des métaphores dans l'utilisation du terme éther, mais allait faire en tout cas une sorte de renaissance spectaculaire avec l'autre grande théorie de la physique du XXe siècle, qui elle est la théorie quantique, qui va changer beaucoup les choses. Alors parlez-nous justement de... Là, il nous reste malheureusement 3 minutes, il faudra qu'on fasse un épisode 2 à la théorie de l'éther, mais parlez-nous un petit peu de la renaissance de cet éther après la relativité générale, notamment avec la physique quantique. Alors très rapidement, donc dans la théorie quantique, donc je rappelle, c'est la base de la physique contemporaine aux côtés de la relativité einsteinienne, qui elle décrit la gravitation, la théorie quantique elle décrit les interférences fondamentales et les particules élémentaires. Donc dans la théorie quantique, la totalité du contenu de l'univers se présente sous la forme de ce qu'on appelle des champs quantiques. Important d'ailleurs de rappeler que c'est Maxwell qui avait introduit le premier la notion de champ, c'est-à-dire une structure physico-mathématique qui imprègne tout l'espace et qui a une valeur en chaque point de l'espace. Donc le champ quantique généralise la notion de champ électromagnétique. Alors ce n'est pas un objet matériel localisé, mais c'est une entité qui remplit tout l'espace, un petit peu comme, j'aime bien les analogies musicales, comme une sorte d'immense membrane qui serait tendue. Et cette membrane, elle est prête à vibrer. Et finalement, dans la théorie quantique, toute configuration de l'univers, en tout cas de son contenu matériel et énergétique, se décrit comme un certain état de vibration de ce champ, c'est-à-dire la vibration d'une membrane, si je garde la métaphore instrumentale. Alors, mais qu'est-ce que nous dit la théorie quantique ? Eh bien, si la membrane reste strictement immobile, il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de vibration. Or, la théorie quantique énonce que le champ, en raison de ce qu'on appelle le principe d'incertitude, ne peut absolument pas rester sans aucune vibration. Voilà, il y a toujours des vibrations, qu'on appelle fluctuations quantiques. Et dans ces modes vibratoires, il y a un état de vibration minimum. Et il y a donc une énergie qui correspond à cet état de vibration minimum. Et c'est l'état fondamental du champ que l'on appelle le vide quantique. Et d'une certaine manière, c'est une version modernisée, complètement réactualisée de l'éther des anciens, puisque on va maintenant avoir cette fois-ci une substance imprégnant, remplissant tout l'espace, mais qui était extraordinairement active maintenant, puisque dans les théories après qui se sont développées après la théorie quantique des champs et qui font l'objet de recherches encore actives, loin d'être finalisées, sur ce qu'on appelle la théorie de gravitation quantique, certains physiciens font jouer au vide quantique un rôle fondamental, non seulement générateur de par ces fluctuations spontanées, aléatoires de ces niveaux d'énergie, l'apparition de particules élémentaires, mais aussi même peut-être dans certaines théories d'espace-temps-matière tout entier, c'est-à-dire d'univers tout entier. C'est fascinant cette forme réactualisée, radicalement nouvelle de l'éther qui n'est plus du tout du coup un éther passif mais une substance très active. Nicolas Niaud, on n'a pas à parler, il vous reste 20 secondes, c'est vraiment cruel de l'énergie sombre. En quoi est-ce que l'énergie sombre est finalement une espèce de lointaine cousine de l'éther ou une proche cousine de l'éther? Ah, tout simplement parce que l'énergie sombre reprend tous les caractères de l'éther, c'est-à-dire que l'éther c'est un milieu qui est subtil à mesure où il échappe à nos sensations, l'énergie sombre on ne peut pas la détecter, ce n'est pas de la matière, elle emplit tout l'espace, en ce sens-là qu'on parle d'énergie sombre ou d'éther sombre, finalement le terme reste le même. L'éther n'a donc pas complètement disparu. Un grand merci à tous les deux, Jean-Pierre Luminet, Nicolas Niaud, on se quitte avec Liszt. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Alexandra Delbo, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Mariam Ibrahim, Loïc Dutoit, Natacha Triou, Nicolas Martin, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Ludovic Auger. La Méthode Scientifique, c'est fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. Et ça, c'est à l'infini vers l'éther.